J'avais oublié cette affaire. L'assassinat, toujours inexpliqué, en 1978, d'un homme qui était l'un des leaders de l'extrême droite française et le conseiller influent de Jean-Marie Le Pen. Il s'appelait François Duprat. Et lorsque M. X a prononcé son nom, je me suis rappelé qu'en 1998, lors de la campagne pour les élections régionales, le président du Front National avait choisi assez ostensiblement de rendre hommage à son ancien compagnon au cimetière Montparnasse à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. Et après avoir enregistré cette nouvelle conversation avec M. X, un entretien qui jette une lumière nouvelle sur cette affaire, j'ai recherché ce qu'écrivait la presse de 1998 à propos de cette cérémonie du souvenir éminemment politique. Et j'ai d'abord trouvé ce titre de Libération. Le Pen salue son bon camarade antisémite. Et ce sous-titre, le président du FN a rendu hommage hier à François Duprat, négationniste, mort en 1978. Ailleurs, dans le journal Le Monde, Christiane Chambaud écrit, je la cite, « Nul doute qu'en choisissant d'avancer sa visite annuelle à la tombe de ce militant ayant fréquenté les mouvements d'extrême droite les plus violents, afin qu'elle ait lieu à quelques jours des élections, M. Le Pen souhaitait lancer un message clair, préciser qu'en aucun cas il ne renierait les racines sulfureuses de son parti et parmi elles, cette tendance nationale révolutionnaire qu'il a présentée comme une nuance qui participait dans le fond à l'éventail des opinions généralement proscrites représentées au sein du Front National. Pour le chef de l'extrême droite, Duprat, admirateur de l'Allemagne nazie et des SS, diffuseur d'ouvrages niant le génocide des Juifs, était un bon camarade, un militant nationaliste ardent qui avait participé à la rédaction d'à peu près tous les journaux de droite et d'extrême droite. Tel était donc l'homme qui est mort dans un attentat à la voiture piégée en 1978. Une personnalité qui comptait dans la nébuleuse de l'extrême droite, où il avait fréquenté à peu près tous les mouvements avant de rejoindre le Front National créé par Le Pen. Mais, d'après M. X, Duprat n'était peut-être pas seulement ce militant exalté et extrémiste. Et c'est dans les nombreuses zones d'ombre de sa vie qu'il faut chercher le secret de sa mort. Enfilez vos bas noirs les gars, ajustez bien vos accroches, bas vos porte-jartelles et vos corsets. Allez venez, ça va se corser, on va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Ouais, on va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Maquillez vos lèvres les gars avec des rouges délicats, flottez-vous des bouches sanglantes ou noires ou bleues si ça vous tente, on va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi. On va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Sur vos boucles blondes, les gars, mettez fixatif et corps, n'épargnez ni ongles ni phares, venez avant qu'il soit trop tard, on va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Ouais, on va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On va danser le Nazi rock, Nazi. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'extrême droite française a une particularité, qu'elle partage d'ailleurs en partie avec l'extrême gauche, c'est qu'elle ne cesse de se diviser. On l'a encore vu récemment quand Bruno Maigret a choisi la sécession. Ouais, faut-il vraiment s'en plaindre ? Oh, certes non, de mon point de vue en tout cas. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Et le parcours politique de François Duprat en est une illustration parfaite. Racontez-moi. Alors allons-y à grands traits. Duprat, qui est né au début des années 40, aurait d'abord eu des sympathies pour l'extrême gauche. On a souvent parlé hein, des rouges-bruns, comme on les a appelés. Mais c'est vrai, parfois il s'est trouvé d'étranges connivences entre les deux extrêmes. En particulier en ce qui concerne l'antisémitisme et la violence. Mais Duprat, lui, trouve très vite sa véritable voie, celle de la droite la plus extrême, la plus radicale, sans cesser pour autant de s'intéresser au groupuscule gauchiste, dont il était, semble-t-il, l'un des meilleurs connaisseurs. Mmh. Mais quand il s'engage à l'extrême droite, c'est dans quel mouvement, là ? Jeune Nation, un parti fondé par les frères Sidos. À noter que Duprat, alors qu'il entreprend des études d'histoire, est un moment le secrétaire de Maurice Bardèche. Un écrivain qui est aussi un collaborateur notoire. Exactement. Ouais. Bardèche était aussi le beau-frère de Brasillac, ouais, ouais. Fusillé de la Libération. Mmh. Donc vous voyez que très vite, le jeune Duprat a choisi son camp. Et attendez, lors de la création de l'OS, là, Duprat a une vingtaine d'années. Et naturellement, il rejoint les rangs de l'organisation terroriste. Il sera d'ailleurs emprisonné quelques mois, ce qui mettra provisoirement fin à ses études. Mais dès sa libération, il crée avec quelques amis le mouvement Occident, où on va retrouver certaines futures vedettes de la droite. Ah oui, Madeleine, Longuet... Et d'autres encore, ouais, oui. Occident est un mouvement nationaliste très dur, très violent, qui fait volontiers le coup de poing au Quartier Latin contre les étudiants communistes ou gauchistes. Mais bientôt, comme d'habitude, les membres d'Occident se déchirent et Duprat rejoint un autre groupuscule d'extrême droite, Ordre Nouveau. Mais ce n'est qu'une simple parenthèse dans la vie militante de Duprat. Pourquoi il y a encore de nouvelles querelles ? Bien évidemment. Et ce nouveau mouvement éclate en plusieurs morceaux. Et en gros, si vous voulez, au milieu des années 70, il y a deux pôles. Le PFN, Parti des Forces Nouvelles, et le Front National, que vient de créer un certain Jean-Marie Le Pen. Mmh. Deux tendances qui, naturellement, se haïssent. Et Duprat, alors, choisit quel camp, lui ? Bah, lui, il adhère au nouveau parti de Le Pen, où d'ailleurs, assez rapidement, il occupe des fonctions de direction. Mmh. Et matériellement, comment vit-il ? Il est prof d'histoire. D'abord dans un établissement privé, puis dans un collège public en Normandie. Il faut dire que l'histoire, c'est sa grande passion. À sa manière, Duprat est une sorte de graphomane. Il ne cesse d'écrire des ouvrages au titre significatif. Vous avez des exemples ? Un ouvrage sur les campagnes de la Waffen-SS ou encore une histoire des SS. Un livre où Duprat exprime ouvertement sa sympathie pour les nazis et où flotte l'antisémitisme classique de l'extrême droite. Lui aussi nie la réalité de la solution finale. Bien entendu, et il développe une théorie assez originale. En tuant les Juifs, les SS n'ont fait que se défendre puisque ce sont les Juifs qui les ont d'abord attaqués à l'Est. C'est complètement fumeux et même ignoble. Bon, ça, je ne vous fais pas dire. Mais pour Duprat et quelques autres, il ne faut pas oublier que le communisme est une invention juive. Dans un autre texte, il soulignera même que les dirigeants d'une organisation trotskiste, le LCR, sont juifs, à une écrasante majorité. J'ajoute que Duprat a aussi été le diffuseur en France d'un ouvrage anglais intitulé tout simplement « 6 millions de morts, le sont-ils réellement ?» C'est en effet tout à fait clair. On peut aussi parler des autres ouvrages de Duprat, mais ce qui était le plus important dans son importante production écrite, c'était la publication régulière d'une revue, Les Cahiers Européens. Qu'est-ce que c'était, ça ? Dans ce journal, Duprat tenait à jour l'actualité de tous les mouvements fascistes et d'extrême droite, non seulement en France, mais aussi dans le monde. Ce qui est assez surprenant, Duprat ne se privait pas de révéler quelques vérités assez gênantes. Les gênantes sur ces mouvements-là, lesquels ? Des détails de cuisine intérieure, si je puis dire, des informations sur le financement de ses partis, l'argent et la politique. C'était un sujet qui fascinait Duprat. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ouais, en somme, si je vous comprends bien, Duprat bottait contre son camp. Ça lui arrivait, mais ça ne devrait pas vous étonner, puisque je vous ai dit que tous ces gens-là se détestaient. En tout cas, ça ne devait pas lui valoir que des amis. Bien sûr, et certains dans les autres groupuscules d'extrême droite le haïssaient carrément. Enfin, nous allons y revenir. Parce que ça pourrait être, selon vous, une explication de son assassinat ? Tout à fait. Mais vous m'avez parlé de ses idées parfaitement détestables. Mais l'homme, qui était-il en réalité ? Malgré son apparence physique, François Duprat était d'abord un intellectuel. Et pourquoi malgré son apparence physique ? Parce que c'était un costaud plutôt enveloppé. Un violent ? Il a participé certainement à des manifestations violentes. Mais c'était plutôt un homme de cabinet affligé d'une terrible myopie qui lui interdisait les affrontements physiques. Pourtant, je suis sûr qu'il devait y avoir aussi chez lui une sorte de vocation d'homme d'action. Vocation contrariée par cette infirmité. Comment pouvez-vous le savoir ? À plusieurs reprises dans son passé, Duprat a montré que l'action clandestine ne lui répugnait pas. Mais quelles occasions, alors ? À de nombreuses occasions. Et je le sais d'autant mieux que ses activités n'avaient pas échappé au service. Nous y voilà donc, les services. Oui, Duprat avait incontestablement un petit côté barbouzard, si vous me passez cette expression. Et vous pouvez être plus précis ? Volontiers. Au milieu des années 60, il part au Congo ex-belge. Officiellement, il y va comme professeur d'histoire. Mais bientôt, on le retrouve s'occupant de la propagande de Moïse Tshombe. On sait qu'autour de l'ancien dirigeant Katangé, les agents de toutes sortes grenouillaient. Plus tard, on le retrouve impliqué dans les affaires du Nigeria. Au moment de la guerre du Biafra ? Oui. Ah ouais. Et il est de quel côté ? Du côté nigérian, contre les séparatistes biafrais. Qui étaient alors soutenus par la France. Et par les services secrets, ouais. Oui. Mais quand vous dites qu'il est impliqué, ça signifie quoi exactement ? Duprat avait monté avec quelques amis politiques un comité France-Nigéria, une sorte de lobby qui agissait en faveur des dirigeants nigérians et distribuait à l'occasion des enveloppes pour mieux convaincre le personnel politique. Ce n'est pas tout. Quoi encore ? En mai 68, alors que quelques-uns de ses amis d'extrême droite ont cédé à l'appel des sirènes des polices parallèles, lui est entré en contact avec les soviétiques. Les soviétiques, dans quel but là ? Mystère. Et plus tard, au début des années 70, Duprat va nouer des rapports avec les Palestiniens et surtout des hommes proches du PPS. Le PPS, qu'est-ce que c'est ? Le Parti Populaire Syrien, aussi appelé Parti Syrien National Social. Un parti ancré farouchement à droite et qui prône l'établissement d'une grande Syrie englobant le Liban, l'Irak et la Jordanie. Et la Syrie, bien sûr. Mais est-ce que ce sont ses convictions antisémites qui le poussent à agir ainsi ? Sans nul doute. C'est la seule raison qui lui fait choisir le camp arabe contre Israël. Et aussi pour contrer certaines tendances de l'extrême droite qui sont au contraire plutôt sionistes. Et voilà, vous vous en conviendrez, un nouveau motif pour s'attirer quelques ennemis supplémentaires. Après avoir enregistré ce nouvel entretien avec M. X, j'ai cherché sur Internet si on parlait de François Duprat. Et j'ai trouvé un site créé par des anciens du mouvement Occident. L'assassinat de Duprat est mentionné. On y écrit que l'ancien dirigeant du Front National a été éliminé par le Mossad, le service secret israélien. Rapproché, bien sûr, des derniers propos de M. X sur les rapports de Duprat avec les Palestiniens et les Syriens. En janvier 1978, trois mois avant la mort de Duprat, un journaliste, Grégory Ponce, a publié chez Jean-Claude Simoen un livre intitulé « Les rats noirs ». Il y est souvent question du leader nationaliste qui est longuement interviewé. J'extrais d'abord ces quelques lignes, c'est Duprat qui parle. J'étais également au cœur des premiers comités de soutien à la cause palestinienne. Nous avons alors monté le Rassemblement pour la libération de la Palestine favorable à la ligne Al-Fatah. L'opération était totalement désintéressée. Les Arabes sont des imbéciles, ils font gérer leur or par des financiers juifs. Comment voulez-vous leur rafler quoi que ce soit ? Plus loin, le même auteur affirme que la grande réussite de Duprat est le succès de son groupe de presse, car outre les cahiers européens, François Duprat édite aussi d'autres revues, et il le cite à nouveau. En général, la presse de parti est entre les mains de mégalomanes qui rêvent de concurrencer la presse internationale. Résultat, des trous de plusieurs millions dans les caisses et des tonnes d'invendus. Nous avons commencé seul et bas. C'est la seule recette de succès. Et comme j'ai des amis personnels dans le monde entier, je suis toujours très bien informé des problèmes de notre courant de pensée. C'est l'international noir du stylo. Duprat, d'après vous, avait donc de nombreux ennemis. Mais nous n'en avons pas encore fait le tour. Ah oui, mais avant d'aller plus loin, rappelez-moi quand même dans quelles circonstances ce leader d'extrême droite a trouvé la mort. C'est un matin. Duprat, je vous l'ai dit, était très myope. Tellement que même avec ses grosses lunettes, il lui était impossible de conduire. Tous les matins, donc, c'était sa femme qui le conduisait en voiture jusqu'au collège où il était enseignant. Et ce matin de mars 1978, 5 minutes après avoir quitté sa maison, Duprat est mort dans l'explosion de sa voiture. Une bombe, c'est ça, hein ? Oui, sans doute une bombe commandée à distance par les occupants d'une voiture suiveuse. Et sa femme qui tenait le volant ? Elle a été blessée, mais elle s'en est sortie. Les auteurs de l'attentat avaient placé la bombe du côté droit de la voiture. Ouais, car ils savaient que Duprat prenait place sur le siège passager. Exactement. Et vous voyez tout de suite ce que ça signifie. Les types étaient très bien renseignés, le coup était relativement sophistiqué. Vous voulez dire que ça ne pouvait pas avoir été perpétré par les amateurs ? Vous m'avez parfaitement compris. Ce qui excluait déjà tout un tas de gens. Mais voyons d'abord les réactions après l'attentat. Évidemment, les cercles d'extrême droite accusent les gauchistes. Oui, j'allais dire, c'est de bonne guerre. Hein, oui, mais c'est de la gesticulation. Plus intéressante est la revendication de l'attentat. 3 ou 4 jours plus tard, par un mystérieux commando du souvenir, « N'oubliez pas Auschwitz », proclame le texte envoyé aux agences de presse. Qu'est-ce que c'est que ce commando, là ? On ne sait pas. Car c'est la première fois que ce groupe se manifeste. Mais il est clair que ce sont les activités négationnistes de Duprat qui sont visées. J'ai retrouvé le texte de cette revendication. Je vous le lis in extenso. François Duprat, leader néo-fasciste et néo-nazi, a été exécuté samedi 18 mars 1978. En dehors de ses activités au Front National, François Duprat était le principal responsable de la diffusion en France de toute une série de brochures néo-nazis niant l'existence des camps de concentration, des chambres à gaz et des fours crématoires. François Duprat niait l'existence et la réalité des 6 millions de martyrs assassinés par les nazis. François Duprat est le premier leader néo-nazi français exécuté par le commando du souvenir sur le thème « N'oublions pas Auschwitz ». Mais d'après ce que vous pouvez savoir, est-ce que ce commando a une existence réelle ? Ou est-ce que c'est un faux-né ? C'est ce que vous me demandez. Bah, bien sûr, oui. Eh bien, pour essayer d'y voir plus clair, allons encore plus loin. Ouais. Assez vite, on parle d'un manuscrit auquel Duprat s'apprêtait à mettre la dernière main au moment de sa mort. Encore un manuscrit révisionniste ? Non, un ouvrage sur le financement des partis politiques. Ah oui, donc c'était vraiment une spécialité de Duprat. Oui, mais dans ce livre, le dirigeant du Front National ne se contentait pas d'évoquer les petites combines de ses amis politiques. Il y en avait, si j'ose dire, pour tout le monde. Tous les partis ? Tout à fait. Et dès l'annonce de la mort de Duprat, certains s'agitent et font pression sur l'éditeur pour que le livre ne voit jamais le jour. Et cela se trouve de quel côté ? Ils sont à droite, très à droite. Et au milieu, il y a un homme très mystérieux, un homme de l'ombre. Un de vos amis des services ? Non, encore qu'à l'occasion, mais enfin passons. Cet homme qui est mort aujourd'hui a joué un rôle occulte considérable. Un rôle politique ? Oui, mais sans jamais apparaître. Albertini, c'est son nom, a été au centre d'une véritable toile d'araignée, une officine anticommuniste qui a fourni des dossiers, financé des partis, alimenté des campagnes de presse, fait des députés, des ministres, et qui, c'est notable, a trouvé des relais sur tout l'échiquier politique, à l'exception, bien sûr, du Parti communiste. Mmh. Mais pourquoi cet homme-là, Albertini, est resté dans l'ombre? Parce qu'il venait de très loin. C'est-à-dire de très loin? De la collaboration. Albertini avait été le numéro 2 du Rassemblement National Populaire, le parti de Marcel Déat. Un parti ouvertement fasciste. Oui, hein. Subventionné par les nazis et prônant l'épuration de la race. Et Albertini n'a pas eu d'ennui à la Libération? Disons qu'il s'en est bien tiré. Racontez. Contrairement à son patron, Marcel Déat, qui a fui à l'étranger, Albertini, lui, est resté en France. Et bien sûr, il a été arrêté. Et donc jugé? Oui, à une époque où l'épuration était la plus féroce. Or, très étrangement, alors que le procureur demandait sa tête, Albertini n'est condamné qu'à 5 ans de prison. Et dès 1948, il bénéficie d'une remise de peine et recouvre la liberté. Que s'est-il donc passé, alors? Je ne le sais pas vraiment. Enfin, on peut penser que cet homme de réseau avait avant-guerre noué beaucoup d'amitiés, de relations. Et ses amis, malgré son encombrant passé de collaborateur, ont dû lui venir en aide. En tout cas, la prison, ça a été la chance de sa vie. La chance de sa vie, la prison? Eh oui, Albertini y a rencontré un banquier. Et cette rencontre va décider de son destin. Mais qui est ce banquier, vous pouvez le dire? Oui, le patron de la banque Worms, Hippolyte Worms. Il lui était reproché d'avoir entretenu des rapports très étroits avec le personnel politique de Vichy. Mais autant l'épuration a été radicale dans certains milieux, autant elle a été molle quand il s'agissait des grands patrons et des banquiers. Et Worms ne restera incarcéré que quelques mois. Et entre-temps, donc, en prison, il a rencontré Albertini. Oui, et les deux hommes ont sympathisé. Aussi, dès sa libération, Albertini va voir son ancien compagnon de cellule et celui-ci l'engage immédiatement. Ouais. Avec quelle fonction? Conseiller politique, puis fondé de pouvoir, mais chez Worms, Albertini demeure discret. Tellement discret que la majorité du personnel ignore même jusqu'à sa présence dans l'organigramme de l'établissement. Il est discret à cause de son passé? Non. À cause de ses activités. Albertini met peu à peu en place une véritable agence d'information à destination des hommes politiques. Il alimente la propagande anticommuniste, il fournit des arguments aux uns aux autres, il livre des campagnes électorales clés en main. Comptant des relations dans tous les milieux dirigeants, Albertini devient peu à peu un homme indispensable. Et l'argent? Il vient du patronat, mais dans ces années-là où le Parti communiste français représente une force considérable, les patrons ne rechignent jamais à financer une officine anticommuniste. Et Albertini, même s'il subit une éclipse temporaire lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, est l'un des hommes les plus influents de ces dernières décennies. Alors revenons à Duprat. Dans le livre qu'il préparait là, sur le financement des partis politiques, il évoquait les activités d'Albertini. Oui, mais il avait l'intention de faire la lumière sur le véritable rôle de cet homme de l'ombre et sur ses rapports avec le monde politique. Et vous pensez que ça pourrait avoir un lien avec son élimination? Écoutez, avouez qu'on pouvait se poser la question, hein. Listen, it's the rhythm of the universe. Listen to the universe pulsating. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Étrange personnage que ce Georges Albertini, parfaitement inconnu du grand public. Dans un livre qu'il a consacré à Jean Jardin, ancien directeur de cabinet de Pierre Laval et homme d'influence lui aussi, Pierre Assouline écrit à propos d'Albertini. Volontiers coléreux, très corse par son esprit de clan, il est fidèle en amitié. Il aime bien cultiver le mystère aussi, Georges Albertini. Selon ceux qui l'ont fréquenté quotidiennement au cours de sa seconde carrière, il aime s'entourer du halo nécessaire pour qu'on le sache apte à recevoir et conserver les secrets. Il inspire confiance, à juste titre. C'est une agence de renseignement à lui tout seul, un des Français les mieux informés, très au fait des tenants et des aboutissants des hommes et des affaires de la coulisse. Plus loin, Assouline écrit encore, il est au mieux avec les gaullistes, les démocrates chrétiens, les radicaux socialistes, les socialistes. On n'hésite pas à l'appeler pour négocier un désistement ou convaincre un candidat indécis, sonder un futur ministre ou s'accommoder un député récalcitrant. Mais que voulait révéler Duprat à propos d'Albertini dans son livre sur l'argent et la politique ? Quelques jours après la mort du dirigeant d'extrême droite, un journaliste de Libération s'est procuré le synopsis du livre. Un chapitre entier était consacré à Albertini. Duprat y recensait toutes ses activités, ce qu'il appelait l'anticommunisme de type patronal. Il y affirmait qu'Albertini, grand ami de Robert Hersant, avait financé la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing et l'élection aux législatives de trois anciens du mouvement d'Occident qui concouraient sous l'étiquette UDF. Conclusion du journaliste de Libération, il semble bien que ce soit les informations et la culture politico-financière de François Duprat qui aient causé sa mort. Soyons clairs, si vous m'avez parlé aussi longuement de Georges Albertini, c'est que vous pensez qu'il a une responsabilité dans la disparition de Duprat. Non, mais j'explore toutes les pistes, c'est tout. Et je fais la liste de tous ceux, et Dieu sait s'ils sont nombreux, que Duprat embarrasse, et Albertini incontestablement faisait partie de ces gens. Ouais. Pourtant, je ne sais pas moi, il aurait pu y avoir une sorte de connivence idéologique entre les deux hommes, Albertini, ancien collaborateur, Duprat, zélateur des régimes fascistes. Oui, vous avez raison, et comme vous l'avez remarqué vous-même tout à l'heure, ce n'est donc pas la première fois que Duprat bottait contre son camp. Oui, alors vous avez une explication ? Je vous ai dit précédemment que Duprat avait attiré depuis longtemps l'attention des services, mais je peux même aller plus loin. Le dirigeant du Front National collaborait aussi occasionnellement avec les services. Vous voulez dire que c'était un informateur ? Parfaitement. Et c'était connu de certains de ses amis politiques qui le considéraient comme étant un flic. Nouvelle piste alors ? À l'évidence. Et il faut savoir par exemple qu'en 1977, un an avant sa mort, des militants du mouvement rival, le Parti des Forces Nouvelles, avaient publiquement brûlé son effigie. Une parenthèse dans ce récit. Dans le livre de Grégory Pons que j'ai déjà cité, « Les rats noirs », l'auteur écrit toujours à propos de Duprat. Souvent accusé d'être un flic, il s'est mollement défendu. Il est vrai que dans ce milieu particulièrement infiltré, cela ne signifie pas grand-chose, sinon un règlement de compte entre services concurrents. Et dans son propre parti, là, le Front National, on savait ? Sans doute. J'ai d'ailleurs noté que Jean-Marie Le Pen, après la mort de Duprat, a fait une curieuse déclaration à ce propos. Interrogé sur les rapports de son compagnon avec les services, et en particulier la DST, il a répondu à peu près ceci. « Si c'était vrai, ça ne me choquerait pas, car tout bon citoyen peut considérer comme un devoir de renseigner la police. » Ça laisse entendre qu'il savait. C'est aussi mon avis. Mais, et ça ne vous étonnera sans doute pas, il a toujours existé des rapports tordus entre l'extrême droite et les services. Les services qui ont souvent été tentés d'utiliser les militants de cette mouvance pour accomplir de sales besognes. Comme en d'autres temps, ils ont fait appel au savoir-faire de gangsters du milieu. Oui, pour quelle raison exactement ? Bon, d'abord parce qu'incontestablement, il y avait des affinités politiques. Vous voulez dire que dans les services, il y avait aussi des extrémistes ? Bien entendu. Mais l'autre raison, peut-être plus intéressante, c'est qu'ils partageaient également la même culture de la clandestinité et l'intrigue. À l'extrême droite, on n'a jamais cessé de comploter, je vous en ai donné maintes preuves. Et il était tentant de se servir des types qui appartenaient à cette mouvance. Les manipuler. Oui, pourquoi pas. Ouais. Mais dans le cas de Duprat, précisément. Duprat, un peu comme ce Georges Albertini dont je vous ai longuement parlé, était un homme très bien renseigné. À un autre niveau, bien sûr. Duprat savait tout sur les mouvements d'extrême droite, mais aussi sur les groupuscules gauchistes où il avait certainement des antennes. C'était donc une source d'information très intéressante pour un service. Mais il y avait autre chose. Quoi ? Ce qui était passionnant, c'était les contacts étrangers de Duprat. Les Palestiniens, c'est ça ? Les Palestiniens, oui, mais surtout les Syriens. Ah, ce parti que vous avez évoqué, là ? Le Parti populaire syrien. Ouais. Qui luttait pour la création d'une grande Syrie. C'est ça, hein, oui. Alors, ce parti intéressait beaucoup les services. Mais pour quelle raison ? D'abord, il entretenait des liens avec l'aile la plus dure du mouvement palestinien. Ensuite, il s'opposait en rival du parti Baas, du président Hafez al-Assad. Or, vous ne l'ignorez pas, la Syrie avait une part active dans toutes les actions terroristes. Soit en suscitant les actions terroristes, soit en abritant sur son sol des groupes terroristes. Mmh. Donc les services étaient friands d'informations sur la Syrie. Naturellement. Mmh. Et à l'occasion, nous pouvions influer sur la politique syrienne ou envoyer des signaux au président syrien. Grâce au tuyau de Duprat ? De Duprat et de ses amis. Essentiellement un homme qui se trouvait au centre de la mouvance terroriste arabe. Un banquier suisse, François Genoux, qui partageait les idées de Duprat. Ouais. Les idées extrémistes de droite. Donc, il me semble que vous m'avez déjà parlé de lui. Hein, de exact. Ouais. Genoux, mais si vous voulez un jour, nous en reparlons plus longuement, a joué un rôle clé dans toutes ces affaires. Il faut d'abord savoir que Genoux n'a jamais caché ses idées pro-nazis. C'est même allé si loin qu'il a acquis des droits littéraires, des œuvres des chefs nazis. Bormann, Goebbels, Hitler, afin de rééditer ses œuvres maudites. Je crois que c'est lui aussi qui a participé financièrement à la défense de Klaus Barbie. Hein. Tout à fait vrai. Ouais. C'est le même homme qui, très introduit dans les milieux d'affaires arabes, a encouragé et financé de nombreux mouvements terroristes. Or, Genoux était lui aussi très proche des dirigeants du PPS. Comme Duprat, donc. Oui. Et Genoux a même pris sous sa protection la propre fille du fondateur du PPS, Alice Arsaadeh, une jeune femme mariée à un certain Fouad El Chemali, qui était l'un des dirigeants du groupe terroriste Septembre Noir. Toutes ces connexions étaient captivantes. Et méritaient donc que l'on prenne très au sérieux les informations fournies par Duprat. Évidemment. Ouais. Mais ça n'explique pas pour autant l'attentat à la voiture piégée dont a été victime le leader d'extrême droite. Attendez, je vous ai dit que l'attentat avait été l'œuvre de spécialistes. Ça élimine donc la piste des rivaux nationalistes de Duprat. C'est vrai que de temps en temps, ils manient l'explosif, mais la plupart du temps, c'était du bricolage. Et s'ils avaient voulu tuer Duprat, ils n'auraient pas utilisé un procédé aussi sophistiqué. Et la piste Albertini ? Éliminée, elle aussi. J'imagine mal cet homme d'influence faire appel à des spécialistes pour liquider Duprat. Les gens comme Albertini disposent d'autres moyens beaucoup plus efficaces pour faire taire les gens. Quant aux gauchistes, n'en parlons même pas. Conclusion. Seul un service peut se trouver derrière. D'accord, mais lequel ? Le Mossad ? Non. Non, Duprat n'était pas un inconnu pour le service israélien, mais le Mossad n'ignorait pas que Duprat était un informateur de nos propres services. Il n'avait donc nul intérêt à le liquider. Parce que vous partagiez bien sûr certaines de vos informations avec les Israéliens. Bien entendu. Alors, il ne reste qu'un service susceptible d'avoir tué Duprat. Duprat, l'ami du PPS, le parti rival du Baas syrien. La vie d'un homme pour les dirigeants du Moyen-Orient a bien peu d'importance. Et pour moi, ça ne fait pas de doute, le crime est signé. Duprat, informateur des services ? Nous l'avons vu, grâce au témoignage de Ponce, il s'en cachait peu. Un autre auteur, Jean-Paul Brunet, dans son ouvrage « La police de l'ombre », écrit à propos de Duprat. Personnage haut en couleur, intelligent, cultivé, mais présentant mal, il comptait parmi les dirigeants les plus en vue d'Ordre Nouveau et de quelques cercles d'extrême droite. Perpétuel « traîne savate », selon l'expression d'un responsable des RG qui me dit l'avoir beaucoup rencontré dans son service, il gagnait péniblement sa vie comme professeur de l'enseignement privé et arrondissait ses fins de mois avec les 1000 ou 2000 francs, en francs 1989, me précise mon interlocuteur, qu'il quémandait au RG mais aussi à la DST, car il travaillait pour qui voulait bien l'aider. C'était en réalité beaucoup plus un militant qu'un indicateur. Un beau jour, en tout cas, une bombe explosa sous sa voiture, le tuant sur le coup. On ne retrouva jamais ces assassins, qui appartenaient très certainement à la mouvance de l'extrême droite. Autre son de cloche. Dans leur nouvel et passionnant ouvrage « DST, police secrète » paru chez Flammarion, Roger Faligo et Pascal Krop citent un article de Paris Normandie qui affirmait, au lendemain de la mort de Duprat, qu'il était agent de la DST depuis mai 68. La DST possédait bien sûr un dossier sur lui, sous le numéro DP-71-76-37. Selon certaines informations, François Duprat travaillait directement pour la DST. Son dossier était barré de rouge, marque indiquant la présence d'une fiche E2, dossier de manipulation. Le nom de code de François Duprat était Hudson. Depuis mai 1968, il informait la DST où il était traité par un chef de section de la division de la manipulation. Le code de son fonctionnaire était RO2. Précaution rare, chaque note mentionnant la source Hudson, portait la mention en marge « En cas d'exploitation du renseignement, veillez à la protection de la source ». Et les deux auteurs poursuivent le même journal. donne des exemples d'informations que livrait Duprat. Ainsi, sur la venue à Paris d'un responsable italien du néo-mussolinien MSI, mais on connaît aussi ses affinités avec le Moyen-Orient et ses liens avec le parti Baas irakien. Et Faligo est crop de conclure que les enquêteurs croient qu'il y a un rapport entre sa mort et les relations qu'il entretenait avec ses amis arabes. À samedi prochain, je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com. Vous pouvez aussi nous écrire à la Maison de la Radio.